Vous. Oui, vous. Savez-vous que vous pouvez écouter 230 radios, 700 web radios et plus de 200 000 podcasts sur une seule application gratuite ? Avec Radio Player France sur smartphone, enceinte ou en voiture, vos radios sont toujours avec vous. Radio Player France, l'appli de toutes les radios. Bonjour, c'est Xavier Mauduit. L'histoire ne s'arrête jamais, mais pendant l'été, le cours de l'histoire marque une pause, l'occasion de découvrir ou de redécouvrir certaines émissions déjà diffusées. On se retrouve dès le 28 août avec une nouvelle saison du cours de l'histoire et une programmation toute neuve. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. En 1878, Maurice Girard, entomologiste, fait publier son ouvrage, sa longue étude sur les abeilles, organes et fonctions, éducation et produits, miel et cire. Évidemment, il évoque les abeilles de l'Antiquité, celles chantées par Virgile et celles domestiquées en Égypte depuis les temps les plus reculés, explique-t-il. Les ruches étaient transportées sur des bateaux remontant le Nil, car la Haute Égypte avait plutôt débarrassé de l'inondation et que se développaient les plopes mellifères que l'espace était propice à ces abeilles. Il précise que les mêmes transports ont lieu au temps où il écrit, à la fin du 19e siècle. Alors, est-ce que l'abeille coule dans le Nil ? Est-ce que l'abeille a maille à partir avec les inondations ? Une histoire bourdonnante. Pourquoi est-ce que tu es en retard ? Parce que je faisais un beau rêve. Quoi ? Mais une abeille qui rêve, on n'a jamais vu ça. Eh bien, qu'est-ce que je fais ? On vient me chercher ou il faut que je saute ? Non, non, attends ma petite Maya, j'arrive. Tu es encore un bébé abeille et tu as beaucoup de choses à apprendre, un peu de patience. Bon, bon, pourquoi est-ce qu'elles font ça ? Parce que nous, les abeilles, nous l'avons toujours fait. Bah, c'est pas une réponse, ça. C'est pas du tout une réponse, Maya l'abeille, évidemment. Bonjour Julie Lafont. Bonjour. C'est pas une réponse de dire ça a toujours été comme ça. Est-ce que les abeilles de l'Antiquité sont les mêmes abeilles qu'aujourd'hui ? Alors, les abeilles de l'Antiquité en totalité, je ne sais pas. Moi, je me suis plutôt intéressée à l'abeille égyptienne dans le cadre de ma thèse. Pour ce qui est de l'abeille égyptienne, il semble en effet qu'elle n'ait jamais, en tout cas, elle a sûrement eu quelques petites modifications au gré des siècles, des millénaires même. Mais il semble que ce soit toujours la même, qu'il se soit spécifié à la vallée du Nil et qu'il soit aujourd'hui encore un petit peu présente en Égypte. Et cette abeille égyptienne actuelle et celle du passé, c'est la même abeille que nous avons chez nous ? Ah non, alors c'est la même espèce, c'est l'Apis mellifera. Par contre, c'est une sous-espèce particulière qui s'appelle l'Apis mellifera lamarckii et qui est donc spécifique vraiment endémiquement à l'Égypte, à la vallée du Nil jusqu'au nord du Soudan. Et elle ressemble à quoi par rapport à celle qu'on connaît bien ? Elle est plus petite, elle fait 1 cm, donc c'est une toute petite abeille, donc elle fait des petits rayons. Du coup, elle a une bande jaune plus marquée sur l'abdomen et elle a des poils plutôt argentés. Aujourd'hui, elle est très jolie. Une jolie petite abeille égyptienne avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Martine Roger, bonjour Martine. Bonjour. Dans l'évocation de l'abeille, c'est vrai qu'il y a la question, hein, c'est un mot qui couvre plein de réalités différentes. Sur un regard sur le temps très long et peut-être même avant l'apparition de l'humain sur Terre, on avait déjà des abeilles. Elles sont différentes. Pour poser la question d'une autre manière, est-ce que le fait d'avoir apprivoisé ou domestiqué l'abeille les a transformées ? Alors, on a beaucoup de mal à répondre à cette question parce que, en fait, les débuts de l'apiculture sont très difficiles à mettre en évidence. Dans le registre archéologique, on ne va retrouver ni la cire, ni le miel, ni les abeilles, ni les maisons des abeilles, donc la ruche, quasiment aucun indice. Et en ce qui concerne les restes d'abeilles, on en a dans le registre géologique des 100 millions d'années, mais sur les 5 derniers millions d'années, donc depuis le Pliocène, le registre géologique est quasiment muet sur les abeilles et ce sont finalement les données archéologiques qui permettent d'appréhender cette question. D'ailleurs, l'archéologue a quel regard sur les abeilles ? C'est très complexe, hein, on peut le dire déjà, parce que c'est une longue histoire et l'on sait bien qu'il est possible de récupérer le miel de ruche, enfin, le miel à l'état sauvage. Donc là, c'est difficile. Avec quoi vous vous repérez ? Jusqu'aux années 1990, on avait très peu d'informations sur le sujet. On a des représentations du gouvernement espagnol, donc sur la côte est espagnole, qui montrent des scènes de chasse, ou, entre guillemets, de chasse au miel, avec des échelles de cordes qui permettent aux personnages, aux chasseurs de miel, en fait, d'accéder aux ruches et de récupérer les rayons dans des paniers. Mais c'est à peu près tout ce qu'on avait comme information pour la préhistoire et probablement pour le néolithique. À partir des années 1990, on a été capable d'extraire de la matière organique des récipients en céramique avec un certain nombre de protocoles chimiques pour rechercher ce qu'ils consommaient, ce qu'ils cuisinaient dans les récipients. Et on a retrouvé des signatures typiques de cire d'abeille assez systématiquement. Et depuis les années 90, c'est là-dessus que l'on peut raisonner pour appréhender les interactions entre société humaine et société d'abeilles sur les 9 derniers millénaires à peu près. Martine Roger, vous nous dites que c'est par la cire que l'on détecte les abeilles plus que par le miel. Oui, parce que la cire est un matériau lipidique relativement stable dans le temps, alors que le miel, ce sont des sucres et de petits sucres. Et les sucres, c'est énergétique et c'est ce qui est consommé en premier par les bactéries dans le sol. Cela dit, comme la montrer Eva Crane, partout, qui était une grande spécialiste des abeilles, partout où il y a des abeilles sociales, les sociétés humaines, ont recherché leur miel, que ce soit par la chasse au miel ou par l'apiculture. Donc, moi, il me paraît évident que si on retrouve de la cire d'abeille, ils ont bien évidemment également collecté et consommé le miel. Dans les traces que l'on peut avoir, pour savoir à partir de quel moment on a commencé à consommer le miel, il y a presque l'évidence, l'hypothèse de dire dès qu'il y a des abeilles et des sociétés humaines, il y a consommation de miel. Y a-t-il des traces archéologiques beaucoup plus nettes, Martine Roger? Pour les périodes encore plus anciennes, puisque j'ai pas parlé de paléolithique, on a peu d'informations, mais on en a. On a une équipe italienne a mis en évidence de la cire d'abeille en Afrique du Sud il y a 40 000 ans, donc chez des populations de chasseurs-cueilleurs. Et par ailleurs, il y a un article très intéressant qui a été publié en 1991, donc il y a un petit moment maintenant, qui fait état sur un fémur d'Homo erectus du Kenya de pathologie liée à l'hypervitaminose A. C'était supposé être lié à une consommation abondante de foie suite à la chasse, mais une autre hypothèse est qu'ils aient pu consommer beaucoup de couvain et de miel, ce qui aurait amené cette hypervitaminose A. On reste cependant sur des données pour le paléolithique assez hypothétique. Et pour les périodes plus récentes, on a les récipients qui ont contenu de la cire, mais c'est plutôt à partir de l'âge du bronze qu'on va retrouver des objets directement liés aux ruches. Julie Lafont, quant aux abeilles égyptiennes, alors là on a des traces aussi très anciennes, c'est par la cire également? Alors, pour l'Égypte ancienne, c'est un peu compliqué. On a très peu de traces archéologiques, en fait, voire pas du tout. On a aucune ruche, aucune zone d'apiculture qui aurait pu perdurer dans le temps, pour plusieurs raisons probablement. Déjà que les ruches étaient probablement faites en matériaux périssables et régulièrement changées, en fait, en boue, par exemple, du Nil, etc. Donc c'est pratique, c'est pas cher et ça se renouvelle facilement, mais ça reste pas. Le seul élément qu'on a, c'est un modèle funéraire qu'on a trouvé dans les dépôts de fondation du temple de Sostris II. Donc c'est à peu près 12e dynastie. On est sur... je l'avais noté parce que sinon j'oublie toujours. 1890-1875 avant JC. Et là, du coup, c'est une petite ruche de 38 cm, enfin une petite ruche, un petit contenant en terre cuite de 38 cm, avec un trou d'un côté, une ouverture de l'autre, comme une jarre qu'on aurait percée, en fait, d'un côté. Et on a trouvé dedans des restes de couvain et le reste d'une abeille, morceau d'abeille, qui serait du coup du type Lamarcky. Donc c'est pour ça qu'on a tendance à penser que c'était le même genre d'abeille qui aurait perduré avec des petites modifications. Mais c'est la seule trace qu'on ait, à part les scènes d'apiculture, voilà, qui là sont des marqueurs iconographiques qui peuvent être soumis, du coup là, contrairement à l'archéologie, qui peuvent être soumis à un canon d'esthétique, à une vision de l'Égyptien qui est particulière et qui va nous apprendre aussi certaines choses. Donc là, pour le coup, les scènes d'apiculture, on en a 5. sur toute l'histoire égyptienne. Donc, c'est pas beaucoup. Hein. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal. C'est-à-dire des représentations d'une collecte de miel ou une scène d'apiculture. C'est ça, où il y a des humains en interaction avec les abeilles. Bah, la plus ancienne qu'on ait, c'est la plus complète. Donc, c'est pratique. C'est pas... Franchement, c'est intéressant. Et du coup, elle date de Nuseré. Donc là, on est sur du 2445-2415 avant Jésus-Christ. Donc, ça commence à être vieux. C'est la 5e dynastie quand même. Donc, c'est au début. Et du coup, cette scène, elle a 5 tableaux. Et donc, le premier montre en fait un rucher mur, ce qu'on appelle un rucher mur. C'est des ruches qui semblent être en terre cuite, du coup, empilées les unes sur les autres, puisque la vallée du Nil est assez étroite. Donc, on gagne de la place, on enchaîne en hauteur, comme chez nous aujourd'hui. Et donc, les ruches sont empilées et on voit un personnage avec ce qui semble être un enfumoir. Enfumé, du coup, les ruches. Et après, on a des légendes avec enfumé, écraser le miel, filtrer le miel et mettre en pot. Et donc, on a différentes étapes avec des abeilles, qui montrent, qui difficilement peut être interprétées autrement. Voilà. Et après, il y a des représentations d'abeilles. Ça, c'est Ça, c'est le hiéroglyphe. Voilà. Et le hiéroglyphe apparaît à la première dynastie. Donc là, on est sur 2850 avant Jésus-Christ. C'est le tout début, première dynastie, l'unification de l'Égypte. Et par l'unification de l'Égypte, on crée le titre de... Enfin, pas tout à fait... pas de suite, mais on a le titre de roi d'Égypte, un des titres du roi d'Égypte qui va être celui de l'abeille. Et donc, on a cette apparition de l'abeille dans les hiéroglyphes. Et au cours de la deuxième dynastie, donc 2880-2860, le hiéroglyphe se perfectionne et prend sa forme définitive. Donc on a la preuve d'une observation poussée de l'insecte, avec vraiment même la représentation de la patte arrière sur laquelle les abeilles récupèrent le pollen, qui est beaucoup plus longue, beaucoup plus dense, avec ce détail qui va être ajouté avec le temps et tout. Donc on a, je pense, une trace déjà d'une, si ce n'est d'une apiculture en place, comme à la 5e dynastie, au moins d'une apiculture en cours de commencement. Est-ce qu'on peut dire que, d'après vous, Julie Lafont, c'est en Égypte que l'apiculture a été inventée ? Alors, j'aimerais bien vous dire oui. Après, on a trouvé des traces d'apiculture quand même dans le Levant, en Syro-Palestine, en Israël moderne, on a trouvé des traces qui sont plus récentes malgré tout, mais qui montrent aussi une apiculture qui est quand même bien installée aux alentours de 1800 à peu près avant Jésus-Christ. Donc je pense que donc c'est plus tard, mais c'est vrai que je pense que ça s'est fait à peu près en même temps, de la même manière que l'écriture. Enfin, c'est un développement parallèle entre des civilisations qui sont très semblables, qui ont évolué dans le même milieu et qui ont vraiment, je pense, connu et appris les mêmes choses, peut-être les uns des autres, mais en échange. Oui, ce sont des phénomènes vastes et évidemment sans datation précise. Comme disait Martine Réger, je pense que l'être humain a tendance à aller chercher ce qui est important pour lui, ce qui est utile pour lui. Et le miel fait partie de ces éléments-là, en effet. Martine Réger, pour vous, l'apiculture apparaît où et quand ? Alors, je ne pourrais pas répondre à la question, mais je peux poser des hypothèses. Ce qui nous a beaucoup surpris dans la découverte de cire d'abeille au fond des poteries préhistoriques, on a été plusieurs à en retrouver. On a mis l'ensemble de nos données en commun, qu'on a publié en 2015. Et ce qui nous a beaucoup surpris, c'est que ce n'était pas un fait anecdotique. Mais dès qu'ils ont fabriqué des céramiques, et les céramiques étant un piège à certaines molécules, dont celle de cire d'abeille, on retrouve systématiquement de la cire d'abeille. Depuis 7000 avant Jésus-Christ au Proche-Orient, jusqu'à des périodes plus récentes chez nous. Donc ça veut dire que la récolte de miel et de cire n'était pas quelque chose d'anecdotique et faisait partie intégrante des économies néolithiques. Donc à partir de là, c'est difficile de savoir à partir de quand ils sont passés à l'agriculture. Je pense que ça s'est fait probablement dans différents endroits, à différentes échelles de temps, avec peut-être des allers-retours. Mais en tout cas, il y avait une communauté entre les sociétés humaines et les sociétés d'abeilles dès le début du néolithique au moins. Oui, parce que exploiter ce miel, aller à la recherche du miel ou cultiver au sens de l'agriculture et mettre en place des ruches, ce sont deux mouvements qui sont parallèles. Ce n'est pas l'un qui supprime l'autre. Chant pour la récolte du miel chez les pygmées Aka. (Musique) Martine Régère, nous entendons ces chants pour la récolte du miel des pygmées Aka. Il y a aussi dans cette démarche archéologique l'observation des pratiques plus récentes et qui se poursuivent toujours de récolte de miel sauvage. Absolument, on se nourrit de données dites actualistes dans les populations qui ont encore des populations dites traditionnelles, qui ont des traditions techniques qui nous permettent d'élargir le champ des possibles en fait. Lorsque l'on regarde les données archéologiques, en particulier pour les sociétés sans écriture, qui sont absolument tronquées, partielles, et le fait de regarder comment ça se passe avec, par exemple, en Asie, des populations, des personnes qui sont pseudo-spécialisées, en fait, dans la récolte des produits de la ruche sur les falaises, permettent de se poser la question de l'organisation socio-économique de la récolte, mais aussi de la distribution du miel et de la cire au néolithique. Parce qu'il y a toujours cette idée que nous avons le miel, et c'est bien souvent à cela que l'on pense dès qu'il est question d'apiculture, mais il y a aussi la cire. On sent bien que, Julie Lafond, cette cire est essentielle, et même dans l'Égypte antique, vous êtes docteur en égyptologie, vous avez ce regard-là de l'utilisation des produits de la ruche. À quoi servait la cire ? Alors la cire, on en a retrouvé un peu, mais c'est pas forcément le plus courant. On en a un peu dans les textes aussi. Elle va servir en médecine, en parallèle ou en supplément du miel. Elle va être utilisée en magie. Beaucoup, et ça, il n'y a pas qu'en Égypte, c'est très courant. On va former, par exemple, des petites figurines de cire qu'on va jeter dans le feu pour détruire un malheur, un mauvais œil, ou pour nuire à quelqu'un, d'ailleurs. ça va être essentiellement ça. Après, on en a un peu trouvé au fond des récipients aussi, comme disait Martine Régère. On a un peu le problème en égyptologie, c'est qu'on n'a pas eu énormément d'études physico-chimiques des récipients. Et c'est d'ailleurs un problème que j'avais moi dans ma thèse, ça aurait été un bonheur de pouvoir le faire. Après ça coûte un certain prix, donc c'était un peu compliqué à mettre en place. Mais ça serait très intéressant de pouvoir réétudier, notamment la ruche dont je vous parlais tout à l'heure, le modèle, de pouvoir le réétudier physico-chimiquement en détail, quoi. Le miel en Égypte ancienne, histoire et fonction d'un produit précieux, ça c'est l'intitulé de votre thèse, c'était l'université Paul Valéry à Montpellier 3. Oui. Le miel est utilisé pour quoi, lui ? Alors on a compris qu'il y a de la médecine, bah oui, parce que le miel, c'est un vrai médicament naturel. Ah oui, il est utilisé tout le temps. Enfin, après, il faut relativiser parce que ça reste un produit cher. Pour l'époque, c'est un produit très cher, mais c'est un des produits les plus mentionnés dans les papyri médico-magiques. Oui. Donc du coup, il apparaît plus de 600 fois sur 900 formules. Donc c'est énorme. Après, il va servir à soigner les brûlures, par exemple, des utilités qu'on va retrouver même aujourd'hui dans certains hôpitaux où on recommence à utiliser le miel pour les brûlures, notamment pour les problèmes gastriques où c'est très, parce qu'il a un pH acide, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc du coup, il permet justement d'éviter la prolifération des bactéries, d'éviter une meilleure cicatrisation avec une cicatrice très fine, très discrète. Voilà. Donc c'est des choses qui reviennent aujourd'hui. Donc il va être utilisé en beaucoup en médecine. Après, on va le trouver dans les rituels, bien sûr, en offrande aux dieux, aux défunts, puisque le défunt est un dieu pour les Égyptiens. Donc on va l'avoir en offrande en pot, en offrande en rayon, qui est une offrande particulière en plus, qui a vraiment une valeur supplémentaire. Et en cuisine, bien sûr. Bien sûr, ce serait dommage de s'en passer, Martine Régère. Oui, je voulais réagir sur la cire d'abeille. La cire d'abeille, c'est un matériau absolument fabuleux, même si quand on pense aux abeilles, on pense bien sûr au miel. Mais la cire a une multitude beaucoup de propriétés différentes, ce qui lui permet d'avoir une multitude d'usages, à la fois techniques pour les soins du corps et symboliques. Pour les usages techniques, c'est un plastifiant qui a pu être utilisé pour la fabrication des adhésifs, des colles, qui ont servi à emmancher des outils ou à réparer des céramiques pendant la préhistoire. C'est aussi un imperméabilisant. Ça a servi à calfater des bateaux. On en a fait aussi à partir de la période romaine, même un peu avant, un support d'écriture, puisqu'on peut écrire dessus avec un stylet. Et puis, c'est aussi un combustible donc qui a servi pour l'éclairage. En médecine, on a un exemple au néolithique de résidus de cire d'abeille sur une dent humaine qui montre qu'on a fait de la dentisterie avec de la cire d'abeille. Donc ça, c'est assez fabuleux. Et puis, Julie Lafont l'a dit, c'est aussi un matériau à forte valeur symbolique. En parallèle du miel, on a embaumé des corps. Enfin, la cire d'abeille fait partie des ingrédients d'embaumement de corps. Et puis, on peut citer aussi les peintures du Fayoum, hein, qui sont faites à la cire d'abeille. Et plus récemment, des sculptures, hein, les sculptures de Degas, par exemple, de Gauguin. Donc, c'est un matériau qui a été très utilisé jusqu'à l'avènement de la chimie moderne. Et Martine Régère, on peut dire la même chose du miel sur les multiples usages, usages médicaux et simplement les usages de consommation, parce que c'est une nourriture excellente. Absolument. Et chez les chasseurs-cueilleurs actuels de Tanzanie, par exemple, et Hadza, le miel représente 4% de l'apport en nourriture en poids, mais 14% en termes énergétiques. Donc c'est un aliment dont il faudrait se préoccuper aussi pour étudier les chasseurs-cueilleurs anciens, parce que la recherche de miel pouvait faire partie de leur stratégie de mobilité, et c'est quelque chose qui n'est jamais pris en compte, parce qu'encore une fois, c'est quasiment muet dans le registre archéologique. Et oui, ça ne laisse pas de traces, mais on peut imaginer ces chasseurs-cueilleurs connaître les endroits où ils vont sans doute potentiellement trouver du miel. Et donc, ça va motiver leur déplacement avec ce miel à très haute valeur symbolique. Va, prends le livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient sur la mer et sur la terre. Je suis allée vers l'ange lui dire de me donner le livre. Il me dit « Prends-le et dévore-le. Il sera amer à ton ventre, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » Apocalypse de Jean. Une petite lecture biblique dans cette réflexion autour de la naissance de l'apiculture. Julie Lafont nous a bien dit que dans cette Égypte antique, le miel était cher. C'est important hein, de le souligner parce que l'on imagine facilement que le miel est accessible parce que produit naturellement. Non, ça demande beaucoup de technicité pour obtenir du miel, d'où sa cherté. Alors, il y a deux points. Je pense que dans un premier temps, c'est difficile de ne pas penser que les Égyptiens, comme tout le monde, hein, ont pu avoir accès à du miel en récolte sauvage. Donc des Égyptiens même pauvres, de la classe des paysans, aient pu accéder à des abeilles sauvages et récolter du miel de manière sauvage. Donc techniquement, d'un point de vue objectif, tout le monde peut en avoir. Après, les Égyptiens ont très tôt, visiblement, mis en place une apiculture pour pouvoir produire et gérer du mieux qu'on peut, hein, parce que l'abeille n'est pas une vache, on peut pas l'enfermer et la forcer à produire. Donc on reste quand même dépendant d'elle, et c'est pour ça que moi j'appelle ça un apprivoisement et pas une domestication, mais ça c'est... Et donc du coup, il y a eu cette mise en place de l'apiculture qui a permis d'organiser l'apiculture, la gestion de la production et une rentabilité avec le temps. Mais à l'ancien empire, par exemple, à l'époque de la première scène d'apiculture, il semble, d'après les textes qu'on ait, que le miel était plutôt réservé aux pharaons, aux dieux et aux défunts. Aux défunts riches, bien sûr, qui pouvaient s'en offrir. Mais à partir du Moyen Empire et vraiment au Nouvel Empire, là, aux alentours de 1500 avant Jésus-Christ, là, on va avoir le développement vraiment d'une apiculture qui va s'ouvrir avec une multiplication des ruches. Et je pense, par cet intermédiaire, une meilleure connaissance de l'abeille aussi. Une abeille qui sème beaucoup, en fait, et qui a beaucoup de reines en même temps, ce qui est une spécificité de l'abeille égyptienne. Plusieurs reines en même temps dans les seins, et une capacité à s'aimer très rapidement et à créer beaucoup, beaucoup d'essaims assez rapidement. Donc les Égyptiens, je pense, par le biais des ruches et murs, où les ruches sont toutes à côté, ont compris qu'en les mettant à côté aussi, les abeilles en essaimant, elles allaient juste à côté. Et du coup, on pouvait développer vraiment, cultiver, presque, en effet, ses propres essaims. Voilà. Ce qui les empêche pas de partir si elles ont envie. Mais... Bien sûr, mais c'est pour ça. Voilà, elles ne sont pas domestiquées, non, selon votre analyse, Julie Lafont. À quoi ressemblaient ces ruches ? Alors, du coup, comme je vous ai dit, on n'en a pas retrouvé, donc c'est pas forcément simple. Là, on est allé voir sur les représentations qu'on a, on va avoir plutôt des représentations de ruches oblongues, en terre cuite, enfin ce qui semble être en terre cuite, ou peut-être en terre crue, mais en tout cas en céramique, pour l'ancien empire, moyen empire aussi, du coup, si on prend l'exemple de Sésostris. Et ensuite, à partir du nouvel empire, les représentations qu'on a pourraient laisser penser à des ruches En natte, enfin en fait on met une natte de roseau, on met de la boue et de la paille dessus, du torchis finalement, on la roule et après une fois que c'est sec on enlève la natte et on fait des tubes de terre de terre sèche en fait qu'on va venir empiler les uns sur les autres avec de la boue et on va les fermer pareil avec des disques de boue, un côté ouvert avec une porte, un côté avec des trous pour l'abeille. Voilà, donc c'est ce qu'on a et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui en Égypte en fait encore pour les Égyptiens qui utilisent encore l'abeille égyptienne. Et qui c'est et en fait ce type de ruche est particulièrement adapté à l'abeille égyptienne, c'est-à-dire qu'on voit que l'Égyptien a créé sa ruche autour de son abeille par la connaissance de celle-ci, ses particularités, sa petite taille, la petite taille de ses rayons, et elle fait des rayons ronds. Ce qui n'est pas forcément le cas de la nôtre. C'est pour ça que nous, on fait des cadres carrés avec des fils. Et l'abeille, sinon, l'abeille construit un peu comme elle a envie. L'abeille égyptienne, naturellement, fait des petits rayons ronds. Et donc, du coup, ils ont fait des ruches rondes. Et ça s'y prête assez bien. Et aujourd'hui, donc, sur les bords du Nil, on a encore de ces ruchers, murs. Enfin, ils sont en forme de pyramide, d'ailleurs, ce qui est assez drôle. Et avec, donc, toutes ces ruches en terre qui sont probablement les mêmes, ou en tout cas, ressemblent, enfin, sont tellement simples, finalement, qu'elles peuvent tout à fait être les mêmes qu'à l'époque antique. Martine Réger, vous êtes directrice de recherche au CNRS et vous avez dirigé Abeille, une histoire intime avec l'humanité, avec une préface de Jean-Claude Amezen. On voit bien que la variété des relations humaines avec les abeilles dépend aussi des différentes cultures. Aujourd'hui, la ruche telle que nous la connaissons, ces petits cube, c'est extrêmement récent, hein, ça a 150 ans. Les formes de ruches peuvent varier énormément parce qu'elles sont adaptées aux besoins, aux considérations d'une société particulière. Absolument, je partage totalement l'avis de Julie Lafond de parler plutôt d'apprivoisement et on est dans une relation que j'ai appris intime entre les abeilles et les humains qui ont besoin d'une bonne connaissance du vivant et en particulier de ces insectes pour pouvoir, je dirais, cohabiter avec eux. Alors, c'est vrai que les ruches peuvent avoir des formes différentes. On en connaît en céramique, on en connaît en paille, comme l'a dit Julie Lafond, avec un exemple de découverte au Proche-Orient, qui date de 900 avant Jésus-Christ, de véritables ruchers qui sont dans la ville de Tel Rehov et qui sont conservés encore en paille et en terre crue. Donc, on a une diversité de ruches, mais il y a quand même un universel dans l'abeille. Quand on regarde les textes, bon, ce dont je ne suis pas spécialiste, hein, mais j'ai travaillé là-dessus avec un collègue, Arnaud Zucker. Quand on regarde les textes sur les animaux, en règle générale, en fonction des cultures, un même animal peut avoir des vices et des vertus qui ne seront pas les mêmes suivant les sociétés considérées. L'abeille, elle a toujours l'être humain a toujours une vision positive de l'abeille, avec sa douceur, sa capacité à produire le miel, son organisation sociale, etc. Donc c'est vrai qu'autour des aspects pratiques de la mise en place des ruches, on a des différences et des différences de systèmes socio-économiques, etc. Par contre, il semblerait que dans l'imaginaire humain, quelle que soit la société considérée, on ait une vision extrêmement positive des abeilles. Mais c'est cette symbolique qui est aussi particulièrement intéressante à étudier dès qu'il est question de cette relation entre les humains et les abeilles. C'est-à-dire que déjà, c'est le seul insecte que l'on a si proche de nous, Martine Réger. Il n'y a pas d'autre insecte, en fait, que l'on a apprivoisé autant. Non, vous avez raison, probablement, mais j'ai pas forcément une vision très très large du sujet en fait pour les autres insectes. Mais ouais, mais en tout cas, c'est sûr qu'elle véhicule des aspects extrêmement positifs. On a dit aussi que le miel était cher en Égypte, entre guillemets, mais ça c'est vrai de tout temps, je pense aussi, parce que pour récolter du miel, il faut éviter de tuer la ruche. Et il y a un film très intéressant qui est sorti récemment qui montre une apicultrice dans les Balkans qui explique bien, moi je prends juste ce que je peux et je laisse quand même aux abeilles de quoi se nourrir. Et d'ailleurs, de nos jours, le miel est toujours cher. Quand on l'achète peu cher, c'est qu'en général, ce n'est pas du miel. C'est un rappel essentiel. Non, mais c'est vrai que faut acheter le miel chez l'apiculteur à côté. Le miel est cher parce qu'il est convoité. Cool, du miel bien frais. Oh, oh, oh. Laisse-moi goûter. France Culture. Oh, c'est dingue, les frangins. Ah, c'est trop bon. C'est le meilleur truc que j'ai jamais mangé. Oh, arrête, Grise, un ours qui aime le miel. T'es un cliché ambulant. Je suis sûr que c'est pas si bon que ça. Le cours de l'histoire. Oh, oh, c'est dément, ce truc. Allez, à ton tour, polaire, goûte. Xavier Mauduit ressent des émotions. Sa bûche dans la ruche, aux origines de l'apiculture. Julie Lafont, dans cette symbolique très positive de l'abeille, parce que le miel est convoité, la cire est essentielle comme médicament et presque comme objet magique. Pour les Égyptiens de l'Antiquité, il y a un rapport très fort, parce que vous nous l'avez évoqué au moment de parler du souverain, le pharaon, il y a association avec l'abeille. Oui. Quelle est cette association ? Justement, ça tombe bien, c'est ce que je voulais dire. En fait, l'Égypte est composée de deux royaumes qui vont être unifiés donc à la première dynastie. La Haute Égypte et la Basse Égypte. Donc la Basse Égypte est au nord, contrairement à parce que le Nil coule. Donc la Basse Égypte est au nord et la Haute Égypte est au sud. L'abeille est donc un des deux représentants du roi. Et en fait, justement, comme disait Martine Régère, l'abeille est toujours perçue positivement, c'est vrai. Mais en Égypte, elle a ça de particulier qu'elle est à la fois positive parce qu'elle est nourricière et elle est à la fois défensive parce qu'elle va se battre pour défendre sa ruche et son essaim. Et en fait, le roi, c'est exactement ça. On a un roi qui est nourricier. Il a le devoir de nourrir son peuple. Il a le devoir de développer son pays. Mais en même temps, il a aussi le devoir sacré de le défendre contre toute attaque. Et pendant très longtemps, le pharaon égyptien n'est pas un attaquant. Il va être un défenseur. Et il n'attaquera pas les ennemis. Il n'attaquera que s'il est en danger, que si son pays est en danger. Et c'est en ça que l'abeille est exactement la bonne représentation du roi. Oui, parce que nous avons l'association par ce hiéroglyphe également. Il signifie quoi le hiéroglyphe de l'abeille d'ailleurs ? Alors, il se lit bite, et donc il signifie l'abeille. Voilà, l'abeille, tout simplement. Oui. Le hiéroglyphe de l'abeille, c'est l'abeille. Et il n'y a pas d'association avec d'autres. C'est ce système phonétique. Non, c'est ça. Après, on va avoir un terme qui apparaît plus tard, qui est Afenbit, la mouche à miel. Donc, parce que Afef, c'est la mouche. Et par extension, on aura Afef pour l'abeille aussi, plus tard. On va réduire le terme à son plus simple appareil. Sinon, le miel se nomme de la même manière, le même mot. La différence, c'est le déterminatif. D'accord, parce qu'on dit abeille pour dire miel. Voilà, en fait, on a le hiéroglyphe de l'abeille avec un trait diacritique, donc l'individu. Et on a le hiéroglyphe de l'abeille avec un pot pour parler du miel. Voilà, tout simplement. Mais non, mais c'est très simple, mais encore faut-il le savoir et savoir l'étudier, car les abeilles, il faut le dire et le répéter sans cesse, sont fascinantes. De Rimsky-Korsakov dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares avec aujourd'hui à la technique Ludovic Auger, une émission qui s'intéresse aux abeilles. Martine Régère, pour la mise en place de l'apiculture, c'est-à-dire le fait de pouvoir élever des abeilles, y a-t-il une démarche particulière au sens où cela demande énormément de connaissances? C'est quelque chose qui se met peu à peu en place. Quels sont les moments nécessaires pour pouvoir domestiquer des abeilles? Et c'est pas simplement les mettre dans des ruches que l'on aurait construites. Non, je pense pas, et ça s'est fait probablement très progressivement, avec l'observation du fonctionnement des essaims, les périodes également auxquelles on peut, enfin les essaims vont se séparer, etc. Ce qu'on peut imaginer et qu'on voit encore à l'heure actuelle dans certaines régions, c'est que on va commencer par aménager des arbres, par exemple, pour attirer les essaims, et puis petit à petit, on va se dire bon bah finalement ça marche sur un arbre, mais il faut grimper, etc. Est-ce que si on prend un tronc et que on essaie d'attirer un essaim, ça va pas marcher? Et je pense que ça s'est fait. Et ensuite peut-être qu'on a fabriqué des récipients en céramique de la forme de tronc à peu près, avec des petits trous pour que les abeilles rentrent et sortent, avec des rainures pour que les abeilles puissent accrocher les rayons plus facilement sur les céramiques. Et ça s'est fait probablement, comme je le disais au début, progressivement et avec des fonctionnements d'essais-erreurs. Mais on en est un peu réduit à imaginer comment ça a pu se passer, je dois dire, avec le faible de données archéologiques que l'on a, en mettant en parallèle ces données archéologiques avec des données actuelles ethnologiques. Julie Lafont, malgré tout, grâce aux représentations de l'Égypte antique, il y a des incontournables de l'apiculture. On a cité l'enfumoir. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Un balai, là, pour chasser les abeilles? Pour les outils. Oui, les outils. Alors là, c'est pareil, on n'a rien. Bon, parce que l'Égypte, on a des textes, c'est génial. Mais alors, pour tout ce qui est... je pense qu'il y a eu énormément de choses réutilisées, tellement réutilisées que, en fait, on jette, on change, on réutilise sans arrêt. Donc, on a aucun vestige. Et c'est frustrant, au c'est possible. Frustrant. Mais parce qu'on sait que ça devait exister, sinon oui, ce n'est pas possible. Sur les représentations, on va avoir les enfumoirs, en effet. Donc, bon, on n'en a pas beaucoup non plus, mais on en a un qui, donc, je vous ai parlé tout à l'heure, c'est comme un petit pot en céramique dans lequel on soufflerait sur des braises pour faire sortir de la fumée. Celui de Rermiré, donc Nouvel Empire, on va avoir, on a du canonique, on a une représentation canonique, c'est-à-dire que, on a une cassolette à encens. Ce qui a rien à voir, l'encens est très cher en Égypte, c'est un produit vraiment divin, un produit pour les rituels. Donc je pense que c'était dans l'imaginaire, on voulait vraiment représenter le côté un petit peu sacré de la récolte du miel aussi, et à la fois le côté bah ça fume. Donc voilà, on a représenté ça. Un vrai enfumoir de l'époque, c'est difficile à déterminer du coup, puisqu'on a une représentation symbolique. Après, pour tout ce qui est outils, on n'a rien. Mais si on prend, par exemple, donc comme pour les ruches, les apiculteurs qui utilisent encore l'abeille égyptienne avec les anciennes ruches, ils utilisent des outils très simples, en fait, et qui pourraient tout à fait être des outils de cette époque. Par exemple, une longue tige avec un côté filé pour décrocher les rayons ou pour ouvrir la ruche, et un autre côté aplati, comme une petite pelle à pizza, pour sortir les rayons de la ruche. On va avoir... un enfumoir qui est très simple, hein. On va faire des briquettes de bouse de vache qui brûlent très bien et qui fait une fumée assez forte, tout simplement, hein, ils enfument avec ça. Et puis un balai, en effet, pour enlever les abeilles des rayons. Alors le balai existe en Égypte ancienne, on en a dans les rituels, puisque le pharaon ou le prêtre doit effacer ses pas en sortant du temple, donc il a un balai pour ça. On a aussi un balai pour nettoyer sa maison, évidemment. Donc le principe du balai, on sait qu'il existe, on sait qu'il est maîtrisé. Les outils simples de ce type-là, on sait qu'ils sont maîtrisés à l'époque en cuivre. Donc voilà, on n'a pas de vestiges, mais l'Égypte moderne nous permet d'avoir une bonne idée à peu près de ce que pouvaient être les outils de l'époque. Après, il reste la question de l'habit. Bah oui, la question de l'habit, alors là, va falloir passer par là, parce que dans tous ces outils, Martine Régère, l'archéologue, a trouvé des choses. C'est vrai qu'on entend bien combien tout ça, c'est du périssable en soi, périssable dans l'existence humaine, pas besoin, et puis après, à travers le temps. Qu'est-ce qu'on a comme outil? À ma connaissance, on n'a pas d'outils, on a des ruches, mais en tout cas pour la période préhistorique, voire proto-historique, on n'a pas d'outils. Et si on en avait, comme ça vient d'être dit, ce sont des outils relativement simples, hein. Ce sont des planches en bois, ce sont des pics en bois, et donc ça peut être tout à fait utilisé pour autre chose. Donc on aura du mal à en définir la fonctionnalité. Par ailleurs... Il y a un certain nombre d'opérations qui ne nécessitent pas d'outils. J'ai été marquée par un film sur les chasseurs de miel. Alors, ce sont des chasseurs de miel, mais en Asie, où en fait, ils séparent la cire du miel en prenant les pains de cire dans leurs mains, en les serrant, et le miel s'écoule et ils gardent la cire à l'intérieur des mains. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais là, alors, il n'y a pas d'outils et c'est vraiment zéro trace archéologique. Donc, on est vraiment dans une archéologie du fugace et de l'invisible, avec une dialectique constante entre les rares données archéologiques que l'on a, et même pour l'Égypte, hein, qui est un peuple qui écrivait et qui nous a laissé des représentations, on voit bien que on est obligé de composer sur une dialectique entre l'ancien et ce qui se passe à l'heure actuelle, pour essayer d'imaginer comment cela a pu se mettre en place. Et Martine Régère, qu'en est-il d'une tenue protectrice? Alors, tout ce qui me vient en tête, ce sont les représentations du Levant espagnol, et les corps sont assez clairement dessinés, mais j'avoue que j'ai pas regardé en détail, mais on voit pas d'éléments protecteurs. Donc là, je n'ai absolument aucune idée du moment auquel ils ont commencé à se protéger. Julie Lafont. Les chasseurs de miel actuels, les chasseurs de miel actuels, ils y vont à main nue. Et je pense qu'il y a une très très bonne connaissance, encore une fois, des comportements des abeilles. Et à part l'enfumage, il n'y avait pas grand-chose d'autre, je pense. Julie Lafont, pareil pour l'Égypte antique. L'Égypte antique, alors là, ce défaut aussi dans l'iconographie de toujours représenter assez standardisé avec des canons d'esthétique, etc. Donc tout ce qui relève de l'agriculture, les personnages vont être en pagne, simplement. Donc du coup ça nous aide pas beaucoup. Par contre, pour essayer de comprendre, parce que du coup je me suis quand même posé la question, l'abeille égyptienne est réputée agressive, alors c'est pas la plus agressive, mais elle est réputée pour son agressivité. C'est l'éternelle question de savoir si les Égyptiens faisaient un effort. Elle est réputée aujourd'hui pour son agressivité. Donc est-ce que les Égyptiens modernes font l'effort de bien la comprendre ou pas, c'est une autre question. En tout cas, je suis allée voir du côté des ethnies africaines pour essayer de comprendre aussi qui sont soit qui pratiquent soit la récolte sauvage, soit qui ont développé une espèce d'apiculture en transhumance avec des ruches dans les arbres. Et donc on a l'ethnie Maya au Cameroun qui s'est créé une sorte d'armure en fibre d'écorce en fait, tout entière, à part les mains. Donc, bon. Et puis on a l'ethnie Bana en Éthiopie qui elle va se recouvrir entièrement d'argile blanche, de manière très épaisse. Ça crée une croûte en fait, et je pense que ça protège à peu près de l'ensemble des piqûres. Il y en a une ou deux qui passent, mais dans l'ensemble. Puis il y a un côté esthétique bien sûr, et probablement rituel aussi. Mais je pense que ça a ce double effet, en effet, de protéger. Voilà. Donc est-ce que les Égyptiens avaient un système de ce type-là, comme avec les fibres de roseau ou les fibres de palmier? C'est possible, mais bon. Oui. Ça reste de l'hypothèse. Et même dans l'iconographie, c'est vrai que beaucoup de symbolique, donc tout pas besoin de recouvrir les gens, mais avec comme meilleure protection la connaissance des abeilles. Bien sûr. Surtout ça. Bien sûr. Hein, Martine Régère, c'est ça, c'est connaître les abeilles, savoir exactement leur fonctionnement qui permet d'aller récolter le miel en étant peut-être un petit peu piqué, mais pas tant que ça. Oui, je pense qu'il y avait une très grande connaissance du vivant. Quand les espèces ont coévolué sur le temps long, c'est vrai pour les espèces humaines avec d'autres espèces, mais également pour les espèces non humaines, elles s'apprivoisent l'une l'autre quelque part, et elles connaissent leur fonctionnement, et elles sont capables d'une part de ne pas agresser, et de pas être agressées, et d'autre part d'utiliser, je dirais, les richesses de la nature avec parcimonie. Encore une fois, ils ne prélevaient pas tout. Ce que l'on sait sur les populations actuelles, c'est qu'ils attendent aussi que les ruches se régénèrent avant de revenir les exploiter. Et si ils n'avaient pas fait ça, les abeilles auraient déjà disparu. Donc, je pense que ça, il faut aussi le garder en tête pour le futur. Oui, parce que si les abeilles avaient disparu, nous aussi, par définition, vu que le monde entier tient grâce à ces insectes. Quant à nous, dans le cours de l'histoire, nous sommes piqués par Bourvil. Les seins se gonflent et s'abandonnent à la caresse du printemps. Et dans la ruche tourbillonne, prêtes à prendre leur élan. Bzz, bzz, bzz, bzz, bzz, bzz. Les abeilles posant par cent et par mille sur les fleurs qui s'ouvrent à peine. Elles butinent leur pistil pour en extraire le pollen. Bzz, bzz, bzz, bzz, bzz, bzz. Les abeilles, ces gentilles petites bestioles, fabriquent d'abord de la cire. Elles y font des alvéoles, doux petits nids pour bien dormir. Les abeilles. Mais gare à celui qui s'égare au milieu d'elles par hasard. Il aura beau s'enfuir dardard, il sera piqué par le dard. De l'abeille. Quand vient le grand jour de la ponte, la reine doit faire de son cordon, et dans l'azur elle monte, monte, poursuivie par tous les bourdons. Ça va être sa fête. C'est celui qui la rattrapera qui sera le bourdon papa, mais tout de suite après il mourra pour avoir donné tout ce qu'il a. Vache d'abeille. Si tous les hommes ici-bas devaient mourir à ce moment-là, j'en connais plus d'un, croyez-moi, qui y regarderait à deux fois. À d'autres. Heureusement que c'est pas demain la veille que les femmes deviendront abeilles. Dans ce cas, je dors sur mes deux oreilles et je dis miel aux petites abeilles. Pensez bien, quand je suis avec ma fiancée, je me fiche pas mal des abeilles. Des abeilles. Je me demande un peu. Enfin. Allez, à la ruche. À la ruche. Allez, à la ruche avec Bourvil, les abeilles dans le cours de l'histoire. Martine Régère, ces abeilles, elles sont, et en écho avec ce que vient de dire Bourvil, c'est une organisation, on sent bien, avec le féminin, le masculin, on pourrait presque faire une histoire du genre autour des abeilles, mais c'est surtout ce qui a marqué à travers les millénaires, c'est l'organisation sociale des abeilles. Ça, c'est une constante. Oui, absolument, c'est un insecte social qu'on peut pas considérer enfin individuellement. Il y a vraiment une organisation très spécifique avec des activités différentes en fonction des âges des abeilles. Bon, je suis pas du tout spécialiste de la biologie des abeilles, hein, mais ce qui est intéressant aussi qu'on entend dans la chanson, c'est que l'apiculture, la récolte des produits des abeilles, c'est aussi une activité saisonnière. Ça, je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête, et que cette organisation des abeilles, elle implique aussi que les humains s'adaptent à cette organisation pour qu'elle soit fonctionnelle et que les abeilles puissent livrer du miel. Oui, parce que l'organisation qui a fasciné l'organisation des abeilles oblige les humains à s'organiser eux-mêmes, Julie Lafont. On va retrouver cette organisation saisonnière dans l'Égypte antique. Alors, on voit avec la crue du Nil un vecteur d'organisation de l'agriculture, mais on pourrait rajouter celui du cycle des abeilles. Oui, tout à fait. Alors l'histoire de la crue, c'est pas évident parce que dans les textes antiques, on n'a pas de traces en fait. On va avoir des traces dans les textes latins ou grecs, où des anciens vont nous rapporter ce qu'ils ont vu en Égypte, mais là on est sur de l'Égypte tardive. Donc du coup, comment fonctionnaient les Égyptiens à l'époque antique, là c'est très compliqué. Il y a forcément eu un déplacement des ruches, ou en tout cas, ils avaient compris où les mettre pour pas être impactés par la crue, à moindre frais en tout cas. Après, pour les saisons, on a des traces. On va avoir des saisons marquées dans des calendriers qui sont associés à l'abeille. Alors pas trop à l'époque antique aussi, ça vient un petit peu après. Il y a quand même, par exemple, bon, à la période tardive, on en avait discuté aussi, d'un interdit du miel dans une province particulière de l'Égypte qui serait associée, par exemple, au culte d'Hathor, qui est la divinité de cette province, et qui serait, enfin, d'une divinité qui, là, prend la forme d'Hathor, mais toutes les déesses se ressemblent, enfin, s'assemblent d'une certaine manière, et qui, donc, serait dans sa période d'accouchement, et l'accouchement dans les textes médicaux, le miel est très utilisé dans le cadre du postpartum, donc pour permettre à la femme de remettre son utérus en état, à sa bonne place, etc. Et donc, on retrouve par le biais et le truchement de la médecine, de la magie, de la religion, dans le cadre de cette province, cet interdit qui survient pendant un mois. Voilà, donc c'est un texte tardif là aussi, mais c'est intéressant de voir le croisement des données qui s'opère. Après, on retrouve dans les calendriers arabes, donc là on est sur du Moyen-Âge, mais les mêmes données, des données encore plus précises bien sûr, sur vraiment les saisons pour récolter, première récolte, deuxième récolte du miel sur l'année, les types de miel en fonction aussi de la couleur. Alors la couleur on l'a à l'époque antique, mais on n'a pas les saisons associées. Mais là on va avoir vraiment une espèce de, peut-être aussi déjà une transhumance possible à l'époque antique, sans trace malheureusement, mais voilà, cette idée de saisonnalité bien sûr toujours impliquée à la récolte du miel et à l'abeille évidemment. Et puis vous avez associé l'abeille à la divinité, est-ce qu'on peut rappeler l'origine divine pour ces Égyptiens antiques de l'abeille? Alors ben là c'est pareil, on va devoir affaire à des textes qui sont plutôt tardifs mais qui sont probablement des copies, hein, parce que les Ptolémées copiaient beaucoup les textes antiques pour se donner aussi, pour s'inscrire dans la suite légitime des pharaons égyptiens. Donc on retrouve à l'époque ptolémaïque beaucoup de textes qui sont probablement beaucoup plus anciens. Et donc on a un texte donc qui nous explique, enfin même deux, qui nous explique que l'abeille est née des larmes de Ré, donc le dieu solaire, exactement comme la déesse Hathor d'ailleurs, avec qui elle va être, enfin l'abeille et le miel vont être souvent associés, et les hommes sont également nés des larmes de Ré. Donc on a vraiment cette association en plus de l'abeille et de l'homme, où on va, les Égyptiens ont vraiment décidé, enfin ont choisi de faire descendre les abeilles et les hommes de la même divinité et des mêmes larmes de cette divinité. Donc ce sont c'est assez étonnant parce que ce sont donc des êtres qui sont nés de larmes, mais de larmes de joie, de tristesse, là est toute la question. Ils pleurent, en général ils pleurent pour les deux, ça dépend. Il peut pleurer de rire, il peut pleurer de... Là, il est plutôt triste à ce moment-là, mais du coup, il génère de la création, il génère quelque chose de magique, et donc ça va... Par la suite, il va être soigné grâce au miel aussi. Donc, c'est une boucle qui se boucle bien. Voilà, la chimie magique du miel. Et Martine Régère, on peut l'évoquer aussi, cette chimie, mais là, dans votre démarche, cette démarche de chercheuse, combien la chimie est essentielle pour essayer d'écrire cette histoire-là, qui, et on l'a dit plusieurs fois, ne laisse pas de traces archéologiques significatives. Il y en a, mais la chimie, ça va éclairer. Oui, absolument. Alors, globalement, la préhistoire est un domaine fortement interdisciplinaire parce que, comme il ne reste pas grand-chose, en fait, de ces populations anciennes, on va tout mettre en œuvre pour aller rechercher l'information anthropologique à quelque échelle et à quelque niveau qu'elle soit conservé. Et en l'occurrence, effectivement, avant les années 1990, on ne pensait pas que la cire d'abeille pouvait se conserver. Elle a une signature chimique qui est extrêmement claire. Par ailleurs, même si elle est dégradée, parce qu'au bout de 3, 4, 5 000 ans, donc ses sédiments, elle se dégrade, ou qu'elle a été transformée parce qu'elle a été chauffée par les populations humaines, on retrouve également, on connaît les mécanismes de transformation des biomolécules, ce qu'on appelle des biomarqueurs, et on est capable d'appréhender non seulement la détermination de la présence de cire d'abeille, mais également son état de transformation ou de dégradation. Et donc là, oui, les approches chimiques biomoléculaires ont été primordiales pour montrer cette utilisation récurrente et voire systématique dès 7000 avant Jésus-Christ, en fait, de ce matériau. Julie Lafont, alors vous nous l'avez dit, vous adoreriez avoir des analyses chimiques de tout ce que l'on a pu retrouver dans l'Égypte antique à la recherche de cire et de miel. Mais voilà, malgré tout, on sait cette omniprésence. Mais ce qui est fascinant ici, vous l'avez dit, il y a de la magie, il y a de la médecine. Mais magie et médecine sont liées, enfin on ne peut pas les séparer. pas chez les Égyptiens, non. Il y a de la symbolique, du pouvoir pharaonique ou du pouvoir divin. Il y a la nourriture, il y a la conservation. Ce sont des usages, en fait, qui ont traversé les siècles. Et très intéressant de voir comment ce qui est mis en place, tant par la construction des ruches, se retrouve aujourd'hui. Parce que ils avaient déjà tout compris, ça fonctionnait. Oui, c'est ça. Je pense qu'ils avaient très bien compris. Ils ont probablement eu un petit peu de chance au début, entre guillemets. C'est-à-dire que souvent, je pense qu'en dehors de la, en plus de l'observation, il y a un peu la sérendipité, c'est-à-dire le hasard qui fait bien les choses. C'est-à-dire que du coup, on arrive, on fait tiens, mais c'est quoi ça? C'est marrant, ces insectes qui sortent de ce pot qu'on a complètement oublié là parce qu'il était cassé. Et on se dit tiens, c'est marrant, c'est quoi? Et puis on regarde, on fait ah, mais ils se sont installés là, mais tiens, donc on va regarder s'ils y restent, s'ils sont bien, s'ils font. Et puis là, on va se rendre compte. Et là, se met en place l'observation. Et du coup, bah, par la suite, si on arrive à comprendre ça et appliquer ça pour tout, on peut faire des merveilles. Et on pourrait presque faire une symbolique, comme il y a comparaison entre les sociétés humaines et les sociétés d'abeilles, entre la démarche de ces premiers apiculteurs et la démarche de la chercheuse qui observe et qui se dit, tiens, c'est par là qu'il faut aller. Merci beaucoup à vous, Julie Lafont. Et merci aussi à vous, Martine Rivière. Merci beaucoup. Et je rappelle, hein, Abeille, une histoire intime avec l'humanité, CNRS et Cherche Midi. Merci à toutes les deux. Nous continuons à explorer notre ruche avec Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment. Pourquoi tirer sur des horloges? On dit parfois que l'objet de l'histoire, c'est le temps. Encore faudrait-il préciser ce que l'on entend par ce mot. Dans ses réflexions sur le concept d'histoire, le philosophe Walter Benjamin avait critiqué la définition courante du temps, telle que le mesurent nos montres et nos chronomètres. Selon lui, les horloges rendent compte d'une temporalité vide, celle d'un temps homogène, purement mécanique, toujours égal à lui-même. Karl Marx avait montré, dès le XIXe siècle, comment le capitalisme s'est emparé du temps pour soumettre les prolétaires à la cadence infernale des machines. Page prémonitoire quand on connaît l'histoire du taylorisme qui a abouti à la décomposition et au chronométrage des gestes des ouvriers travaillant à la chaîne. Comme l'a noté Michael Levy dans son commentaire du texte de Walter Benjamin, les peuples qui se sont engagés dans des luttes révolutionnaires ont eu, tout au long de l'histoire, une conscience plus ou moins nette de saper par leur action le temps homogène de l'histoire. C'est l'une des leçons que l'on peut tirer de la Révolution française, puisque le calendrier révolutionnaire décréta l'avènement d'une ère nouvelle. Le rejet le plus explicite du temps mécanique de la pendule se produisit lors de la Révolution des Trois Glorieuses du 27 au 29 juillet 1830. Auguste Barthélemy et Joseph Méry, deux Marseillais qui vivaient à Paris, furent témoins de cet événement. Il leur inspira un poème dont voici un extrait. « Ah, sur Paris encore, qu'un beau soleil demeure, qui le croirait ? On dit qu'irrité contre l'heure, de nouveau Josué, au pied de chaque tour, tirait sur les cadrans pour arrêter le jour. » Dans une note, les deux poètes ajoutaient « C'est un trait unique dans l'histoire d'une insurrection. C'est le seul acte de vandalisme exercé par le peuple contre les monuments publics. Et quel vandalisme ! Qu'il exprime bien la situation des esprits au 28 au soir. Avec quelle rage on regardait tomber l'ombre et l'impassible aiguille marcher vers la nuit comme dans les jours ordinaires. Ce qu'il y a de plus singulier dans cet épisode, c'est qu'on a pu le remarquer à la même heure dans différents quartiers. Ce ne fut pas une idée isolée, un caprice d'exception, mais un sentiment à peu près général. » En faisant référence à Josué, les deux poètes inscrivaient la lutte du peuple parisien dans une histoire multimillénaire. Dans l'Ancien Testament, en effet, il est dit que Josué, le successeur de Moïse dans la conduite du peuple hébreu vers la terre promise, entreprit la conquête du pays de Canaan. Lors d'une bataille, il suspendit le mouvement du soleil pour gagner le temps nécessaire à sa victoire. Au soir du 28 juillet 1830, les Parisiens voulurent arrêter le temps en tirant sur les horloges parce qu'ils savaient que la nuit interromprait les combats. Sans doute partageaient-ils aussi la douloureuse conviction que ces moments de révolte contre l'ordre établi sont toujours éphémères. Walter Benjamin ajoute que les acteurs de cette révolution rejetèrent le temps continu du capital et de la bourgeoisie pour éterniser l'instant de la fête et pour que chacun puisse imaginer à sa façon des lendemains qui chantent. Merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture. Au paradis, Adam et Ève mangeaient-ils des animaux et comment la ville a-t-elle pu devenir un enfer pour les chiens? La longue histoire des relations entre les humains et les animaux, de la domestication à l'exploitation, aux origines de l'apiculture et quand l'animal devient machine. Le cours de l'histoire, une émission préparée par une véritable ruche d'ouvrières fascinante. Jeanne Delecroix, Anne Toscan-Vudès, Jeanne Copet, Gillian Tilly, Maïwel Nguizhiou, Violette Ruiz et merci à Sabine Dahuron de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, ainsi qu'aux équipes de France Bleu, Nice Côte d'Azur. Le cours de l'histoire, écoutez à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.